Écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin. Salut les amis. Salut Charlie. Donc ça va là, c'est pas trop dur? Oh non, ça va. Quand je veux dire, les pieds sur la table, les journaux fermés. Non mais c'est quoi cette France? Oh, tranquille, et tu parles fort, c'est agréable. Non mais je rêve. On reçoit Orelsan, ça doit faire une super émission, il faut qu'on bosse. Oh, mais justement. Justement quoi? Orelsan, il sort un film sur des gars qui en scoop à une, donc je le trouverais mal placé de nous faire un reproche si on n'a pas préparé l'émission. Voire même, je pense, il pourrait mal le prendre. Mal prendre quoi? Qu'on ait travaillé, il le vivrait comme une attaque personnelle. Mais enfin, non, mais je suis certaine que Guillaume, il est pas d'accord avec vous déjà. Ah non, bah non, Guillaume, il adhère totalement. C'est bien ça. Il n'est pas venu aujourd'hui. Ouais, mais quoi alors? On reste bloqué. On pourrait faire une parodie de Bloqué, la série avec Orelsan sur Canal+. C'est-à-dire? Bloqué, le truc où ils sont dans leur fauteuil et bougent pas. Ah ouais, non, ça s'appelle le Sénat, ça. C'est une bonne idée, Bloqué. Ouais, il nous faut un fauteuil. Bah ouais, Charline, va chercher la caméra, elle est là-bas. Ah non, désolé, attends, moi j'ai décidé de rien faire non plus là. Alors. Ah bah s'il ne fait pas trop rien, parce que nous on pourrait mal le prendre. Mal prendre quoi déjà? Que tu fasses moins que nous. Ah ouais, sans le vivre comme une attaque personnelle. Non, on va quand même écrire un texte. On parlait de quoi? Hein, on pourra parler d'Orelsan. Ouais. Mais c'est chaud ça, on va faire une parodie d'une série où des mecs foutent rien à part parler. Et on va parler d'un mec dont la caractéristique c'est de rien foutre. C'est ça. Pour lui rendre hommage. Attends, j'ai une meilleure idée. Quoi? Pour lui rendre hommage, on lui dit qu'on a eu l'idée de faire un truc, mais qu'au final on l'a pas fait. C'est pas mal, c'est cool. Et hop, on fait une pause. La France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité à la disqueuse. Et voici les trois informations qui vont finir en rondelle à 18h. En Ile-de-France, la campagne s'achève au tribunal. Valérie Pécresse attaque Claude Bartolone pour injure grave, car lui l'accuse de défendre la race blanche. Excusez-moi, la douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va s'en dire. L'acte citoyen passe de la terrasse aux formations de la Croix-Rouge. Les demandes de formation au secourisme ont bondi de 40%. Souvent, il s'agit de gestes élémentaires. Mais avant de réanimer un noyé, il faut le sortir de l'eau. Le gavage des oies reste un thème brûlant à l'approche de Noël, mais ce n'est rien comparé au gavage de Star Wars qui nous attend et qui réécrit l'histoire. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Et moi, je suis accompagnée de celui qui, chaque jour dans les couloirs de France Inter, s'emploie à draguer la princesse Léa, Salamé. C'est Alex Walker, Vizorek Sky. Ben oui, ça oblige à me lever beaucoup trop tôt. Bonjour à tous et bonjour Charline autour de la table. Attention, une belle équipe, 17h20. Je rêve de l'emmener un jour dans un karaoké, de l'obliger de chanter avec moi l'Aventura de Stone et Chardin. Je crois que pour elle, c'est une certaine idée de l'enfer. Bonjour Mélanie Bauer. Totalement, ça et que vous ayez mis un jogging aujourd'hui. Oui, et de l'obliger, c'est encore mieux. Le mot du jour. Le mot du jour pour décrire la déferlante de Noël, c'est bisounours. Très bien, à 17h30, notre sportif qui est l'inverse de Michel Platini n'est pas suspendu, non. C'est nous qui sommes suspendus à vos mots, Samir Bouadi. Comme c'est gentil, salut Alex, salut Charline. Bah, tu parlais de Platini justement, on va parler de Platini, du principe de précaution et du TAS, le tribunal arbitral du sport. Je vous avais flairé. 17h40, s'il reste de la place après son jingle, il nous fera une chronique, mais uniquement pour combler le vide. L'homme qui actualise sa vie, c'est Thomas VDB. C'est moi. Et de quoi on va parler? Eh bien, on va parler, je sais pas, c'est une chanson que vous en avez peut-être déjà entendu parler, je trouve elle est excellente, c'est Imagine de John Lennon. Non, ce sera une découverte. Eh ben, on va bien en parler tout à l'heure. Et on finira avec notre chanteur, l'homme qui a une voix d'enfant de 12 ans, mais quand on écoute ses chansons, personne n'oserait lui confier ses enfants à lui. C'est Frédéric Fromet. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Mitterrand. Vous connaissez la première fois le succès avec un titre posté sur YouTube intitulé Saint-Valentin en 2007. C'est l'année où François Hollande et Ségolène Royal se séparent. Vous sortez ensuite un titre polémique intitulé Sale pute en 2009, quand Ribéry reçoit Zaya en cadeau d'anniversaire. Mais je ne sais pas s'il y a un lien. Vous recevez deux victoires de la musique pour votre album Le Chant des Sirènes en 2012. C'est l'année du naufrage du Costa Concordia. Vous avez un flair extraordinaire et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Orelsan. Oh oui, non, c'est lui. Bon, c'est pour ça qu'il y a autant de monde en régie pour le voir. C'est Orelsan. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Orelsan, vous sortez votre premier film. Il est sorti hier. Ah oui, il est sorti hier, voilà, depuis hier. Comment c'est loin? avec Gringe évidemment, votre binôme inséparable. Mon acolyte. Oui, votre acolyte. Et moi, c'est mon acolyte qui va vous parler de votre film. Mais oui, mais d'abord, commencez par vous remercier, parce que c'est rare que les artistes et réalisateurs ou acteurs viennent faire la promo de leur film après la sortie. Donc, on peut parler des premiers tours, et vous êtes content. Ouais, je suis super content. Il y a beaucoup d'entrées. Il est dans 150 salles et on est, je crois, le film qui est rempli le plus par rapport au nombre de salles. Donc, c'est cool. Donc, c'est pas besoin d'en parler. On va passer au premier sujet. Un petit peu inquiet de l'arrivée Star Wars ou non? Non, parce que c'est complet, donc les gens vont se retrouver au cinéma et ils seront obligés d'aller voir autre chose. Et ils viendront voir mon film et on aura beaucoup mieux que dans Star Wars. Et donc, comment on pitcherait votre film? C'est voilà deux rappeurs qui ont fait un petit succès dans une radio locale, qui ont été entendus par des producteurs et qui leur disent, bah, écrivez-nous la suite. Et là, la suite n'arrive jamais. Ouais. Ils procrastinent pendant de nombreuses années. Puis un jour, ils viennent leur dire, c'est demain ou c'est rien. Ils ont donc 24 heures pour écrire un titre. Et il glandouille toujours un peu, mais ça avance. Alors, j'ai entendu des gens qui disaient « Tiens, il y a un air de Marche à l'ombre », d'autres qui disaient « Tiens, il y a un air de Dumb and Dumber ». Alors, c'est quoi les références cinéma d'Orelsan? C'est beaucoup de cinéma américain des années 90, genre Kevin Smith, Clerks. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Clerks. Et justement, des films comme Marche à l'ombre ou comme Les Apprentis, un film comme Garden State de Zach Braff, c'est ce genre d'influence. Marche à l'ombre, là, on est sur le cinéma français, parce qu'il y a aussi ce petit quelque chose, il y a un peu du Michel Blanc. Et je voulais faire un film français, je voulais vraiment faire un film français. C'est un film ça se passe dans le Calvados, et puis c'est un film de dialogue quand même. Et donc du coup, moi j'adore les films de cette époque-là, et du coup je voulais faire un film qui ressemble à ça un peu. Vous êtes co-scénariste ou même scénariste? Ouais, je suis scénariste. Ouais. C'est par là que ça a commencé, c'est par ces dialogues-là, c'est des dialogues que vous avez notés au fur et à mesure de votre vie. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses, comme j'écris des chansons, il y a beaucoup de choses que je peux pas mettre dans les chansons. Et donc du coup, en fait, j'ai des notes, et du coup, j'ai plein de trucs qui marchent au cinéma, mais pas dans la musique. Alors, vous êtes un faux branleur, parce que avant d'écrire et de vous lancer dans l'écriture du scénario, vous avez lu des manuels de comment bien écrire un scénario, quelque chose de très orthodoxe. Ah, ça m'a aidé, ça m'a tellement aidé. Et il y a des gens qui disent non, moi les bouquins de scénario je les lis pas, mais c'est chiant à lire ces livres là en fait. Faut pas les lire, faut les étudier. Genre t'écris ton truc et après tu prends le bouquin et tu regardes ton scénario par rapport à ce bouquin là et ça donne plein d'inspiration. Enfin, moi j'ai bien aimé ça. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que si tu le lis, au début, avant, je les avais lus. Ouais, en fait, si tu te rappelles de rien, c'est impossible. C'est un film d'espoir. Mélanie Bauer, c'est un film d'espoir. C'est marrant, quand j'écrivais, je voulais pas mettre de message particulier, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, il y a une sorte de message un peu naïf même, d'ailleurs. Oui, oui. Un peu sympa. Il y a une peinture de la génération d'aujourd'hui qui est pas tout à fait sympa, d'une certaine manière, parce que c'est un peu anxiogène de se dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ces deux-là qui en se coupent à une, quoi? Même s'ils ont l'air très sympas, en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film de génération. Et moi, j'arrive pas à savoir si ça parle d'une génération ou d'un type de personne qui a toujours existé, mais que j'ai appliqué. Je pense que c'est une question de caractère. C'est des persos qui ont peur de l'avenir, qui sont semi-névrosés, qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Vous vous rendez compte que vous les rendez pas directement sympathiques? Enfin, si eux deux, mais pas leur génération. C'est-à-dire que ces deux-là, on a envie de se dire, allez, si ils sont sympas, il y a pas de problème. Et puis, on se dit, mais il y en a combien des comme ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Malheureusement, j'ai longtemps été dans cette période. Et oui, mais comment on en sort? Parce qu'au final, c'est plus vous aujourd'hui. Vous bossez comme un dingue. Ouais, mais je pense qu'on en sort en se trouvant, quoi. En acceptant qui on est. Et pour les gens qui ont une passion, je pense qu'on s'en sort en ayant une passion. Que ce soit juste un hobby ou un métier. Après, il y avait l'apparence de ne rien faire et de glander. Vous restiez beaucoup chez vous. Puis ça travaillait dans le cerveau. Ouais, ça moulinait. Ouais, finalement, on avait l'impression que vous ne faisiez rien. J'imagine, mais ça mûrit, les projets mûrissaient et maintenant ils explosent. C'est ça que j'aime bien dire, parce que souvent, quand j'étais jeune, on me disait mais il faut rien, il reste chez lui, il est devant son ordinateur. C'est vrai que j'ai passé 10-15 ans de ma vie, je sais très bien me servir des ordinateurs, je sais faire du montage, je sais faire du graphisme, je sais faire de la musique du coup. Et en fait, je faisais pas rien, mais c'est vrai que c'est ce que je faisais, c'était pas forcément reconnu par mon entourage comme du travail, quoi. La valeur travail n'est pas tout à fait celle de la droite, par exemple. Exactement. Ou même de la gauche qui est de droite. Oui, parce que par exemple, quand Emmanuel Macron dit il faut que les jeunes rêvent d'être milliardaires et que les jeunes ont cette... Oui, il dit ça. qu'ils ont aussi voilà cette idée de d'être dans l'efficacité, la rentabilité, qu'on leur mette la pression, etc. Vous êtes justement le contre-exemple de ça. On peut aussi, en ayant une passion, prendre le temps de mûrir les choses si on a le luxe de pouvoir le faire. Oui, et puis il faut pas utiliser les gens à contre-emploi non plus. Moi, j'ai longtemps fait du télémarketing, j'ai bossé dans des restos de fast-food, etc. Et je vous jure que je suis mauvais. Je peux y aller. Je peux y aller du mieux que je veux. Je suis un mauvais vendeur. Ça va être horrible de découvrir qu'on a un hyper bon fabricant de cheeseburgers. Non. Il y en a qui bossaient avec moi. Ils disaient non, moi j'aime bien. Ils les faisaient bien. Leur cheese était meilleur que les miens. Aujourd'hui, les jeunes Français qui vendent des Big Mac sont capables de vous expliquer la fission nucléaire. Hein. C'est comme ça la France aujourd'hui. Mélanie Bauer, avec vous, qu'on peut dire que c'est une comédie française, une chouette comédie française. Et même presque une comédie. Chouette, c'est un mot. Je ne sais pas si. Il est bien connoté, mais même presque une comédie musicale, parce que le troisième personnage, c'est le rap, évidemment. Ouais. On entend beaucoup de musique. Et... Oui, il y a beaucoup de musique. Après, c'est quand même pas une comédie musicale, parce que ça chante pas tout le temps comme les parapluies de Cherbourg. Mais, ce n'est pas les parapluies de Cherbourg. Mais il y a de la musique, ouais. Et c'est surtout très, très, très drôle. Voilà. Et de la musique, allez, c'est parti, on continue. Old Pirates. Yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Johnny Cash, Joe Strummer, Redemption Song sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Aurel San. Son film est sorti mercredi, Comment c'est loin, avec Gringe. Et bien sûr, il y a l'album, la BO de Comment c'est loin. Et puis on rappelle que du lundi au vendredi, il y a Bloqué, toujours avec Gringe, dans Le Petit Journal sur Canal+, à 20h10. Et autour de cette table, on a Alex... fait une petite parodie de Bloqué, qui est sur le site de France Inter, pour vous accueillir. On a sorti les bonnets et les suites à capuche. Autour de la table, nous avons Mélanie Bauer. Oui, c'est vrai, Mélanie Bauer. Nous avons Samir Bouadi et Thomas VDB, dont le jingle est affûté comme jamais, autour de 17h45. Et oui. Faut que je me remette. Allez, c'est parti pour les informations. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, on parlera encore des régionales en vous disant d'aller voter parce que... Bah, vous terminez pas le titre. Bah non. Rendre hommage aux 50% d'abstentionnistes, j'écris la moitié. Ah ouais, très bien. C'est très commencé loin, tout ça bloqué, tout ça. Très bien. Jean-François Copé et Nadine Morano ont décidé de s'allier pour contrer Sarkozy parce qu'il y a beaucoup plus dans deux cerveaux que dans un. Et oui, et il y aura aussi des brèves parce que c'est idéal pour mon flou. Mais avant de commencer, Charline, je suis désolé, je dois me rattraper parce que hier on a oublié quelque chose. Avec quoi ? Ben, on a oublié ça. Joyeux anniversaire. Ah bon ? Joyeux anniversaire. Vous savez pas, hein ? Non. Joyeux anniversaire. Marion ! C'est l'anniversaire de Marion Maréchal hier ! On a oublié de lui souhaiter. 26 ans. Ah oui. Ses idées, en revanche, sont bien plus âgées qu'elle. Oui, ouais. C'est pas faux. Régional toujours. En Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, cette candidate ne votera pas pour elle-même au second tour. Et non, Caroline Rey, inscrite sur la liste PS de Jean-Pierre Masseret, n'est pas d'accord avec le fait qu'il se maintienne. Elle votera donc Les Républicains, elle jouera donc contre son équipe. C'est une sorte de Benzema du Grand Est. Politique toujours, le magazine américain Foreign Policy classe Anne Hidalgo parmi les 100 intellos de l'année. Exactement, et quelle belle bouffée d'air pour le PS en Ile-de-France, car depuis sa sortie sur la race blanche, Claude Barton est classé 9354e des intellos du monde entier. Voilà. Et enfin, en politique, une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle, on l'a dit, Copé et Morano sont désormais alliés pour contrer Sarkozy, mais comment ça va se passer ? Mon Jean-François, voilà, j'ai trouvé le moyen de contrer ton pire ennemi. Fillon, Bertrand, Guérin, Juppé, non. Godin, Portefeux, mais Nico, Marianne, évidemment. Ah, Nico, évidemment. Oui. Alors je me suis levé ce matin avec une idée. Aïe. Toi plus moi contre lui. Toi plus moi plus tous ceux qui le veulent. Oui, alors ça n'est pas grand monde pour l'instant. On sera deux comme les deux chocolats d'un pain. Je marche. Enfin, ça va déchirer sa race blanche. Hein. Dans le prochain épisode, Jean-François et Nadine vont travailler. Il y aura une stratégie quoi. Okay. International, une pétition a été lancée sur Internet pour envoyer Donald Trump dans l'espace. Déjà plus de 10 000 signatures en seulement deux jours. Voilà, l'espace pourrait donc s'enrichir d'une nouvelle quantité de vide. Sport, demain aura lieu le tirage au sort des groupes de l'Euro 2016. Et oui, en France, on espère avoir un tirage favorable et obtenir des adversaires abordables, histoire que pour une fois, on ne doive pas se retirer avant le deuxième tour. Culture, Pierre Berger a décidé de vendre sa bibliothèque aux enchères. Ah bah, moi aussi, si je peux me permettre, c'est une Billy de chez Ikea et je démarre à 20 euros. Non, Pierre Berger, il vend ses livres. Oui, non, mais moi aussi, 20 euros, on démarre. Très bien, ok, alors on termine par les brèves. Oui, Lot-et-Garonne, il emmène ses chèvres, son lama et sa vache au centre des impôts. Michael Hartmanoff, jeune agriculteur, avait en effet décidé de protester contre la pression fiscale qui va l'obliger à vendre ses animaux. Oui, c'est qu'on pense qu'au centre des impôts des chèvres, ils en avaient déjà pas mal. Et puis la petite dernière. Petite dernière, un cambrioleur se jette dans un étang pour fuir la police, un alligator le tue. J'ai envie de dire, pas de chance. Et cette semaine, on remercie... On remercie Julien Demarche qui a écrit avec nous toute la semaine. Et toute notre équipe, à la technique Loïc Frappsos, à la réalisation Benjamin Riquet, à la préparation de cette émission, Nathalie Romero et Claire-Sophie Collet. Et on va aborder le premier sujet avec Aurel San, notre invité. Premier sujet, après le clash Booba-Lafouine, voici le clash Barto-Valoche. Claude Bartolone, quatrième personnage de l'État, président de l'Assemblée nationale, qui a grave traité Valérie Pécresse en disant qu'elle faisait la danse du ventre aux électeurs du FN à grands coups de race blanche. Sans cesse, ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN à grands coups de race blanche. Tu peux pas fermer ta gueule ? Typique d'elle, elle est complètement folle. Ça ne lui pose aucun problème de dénigrer, de fustiger, d'insulter ceux qui ne pensent pas comme lui. Il n'y a qu'un mot pour le décrire. Sectaire! T'es vraiment une hystérique! Fausse conne! Sac à merde! Fausse blonde! Con! Oh, mais vous êtes des psychopathes! Barto, Valoche, featuring le film Star 80. Alors, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, candidat en Ile-de-France pour le PS, a dit sur l'Obs.fr, à propos de Valérie Pécresse, une candidate à serre-tête qui défend en creux Versailles, Neuilly et la race blanche. Wesh! Quand vous entendez le quatrième personnage de l'État, répétez ça, d'ailleurs en plus en meeting. Vous vous dites quoi, Aurel San ? Vous regardez un petit peu ça ou bien... Non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas la politique. Je ne suis pas les actualités. Je ne sais pas qui est Bartolone. Je sais à peine qui est Pécresse. C'est vrai. Alors ah, vous, il a de la chance, en fait. Ouais, il doit avoir une vie agréable de ne pas s'emmerder avec Claude Bartolone. Et donc, du coup, je ne peux émettre aucun jugement sur ce qu'il a dit. Si mais c'est alors, vrai, comment est-ce que vous votez dimanche, alors ? Déjà, je vais me renseigner sur où je vote. Mm-hmm. Parce que je crois que je vote à Caen. Ça sous-entend que dimanche dernier. Ah ouais, non, je ne savais même pas qu'il y avait des élections. Je m'en suis rendu compte, j'ai mon chat. Non, je suis désolé, j'ai honte. J'ai contribué à toutes ces conneries, mais ouais, non. Oui, vous faites votre autocritique, alors en se disant, bon, je ne me suis pas intéressé au truc. Je vais aller voter dimanche. Ah, d'accord. On a chopé un abstentionniste, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas qu'il est abstentionniste, il ne savait pas. C'est pas pareil. Il n'y a aucune opinion dans ce que j'ai dit. Ce qui est bien, c'est qu'il dit je ne sais pas, mais au moins il le dit. D'autres n'y connaissent rien. Est-ce qu'au moins, Aurélien, vous savez si vous êtes inscrit sur les listes êtes inscrit. Ça, c'est bon. J'ai voté une fois. Je sais à peu près pour qui je vote en général. D'accord. Oui, vous avez. En fait, vous avez. Oui, vous avez un camp. Ouais, c'est ça, j'ai un camp. Vous n'avez pas cette angoisse de ne pas justement être en lien avec ceux qui décident ? Vous vous en fichez de ne pas le savoir ? Parce que c'est un peu les personnages de votre film. Ouais. Que ce soit l'un ou l'autre au-dessus d'eux. C'est un peu ça. Après, c'est peut-être que je me voile la face, mais j'ai l'impression que je suis un artiste et que les artistes devraient pas trop s'impliquer dans la politique parce que ça peut empêcher de faire des chansons, comment dire, objectives. Il y a deux écoles. Ouais. Il y a ceux qui ont envie. Mais on peut faire de la politique sans défendre un candidat. Peut-être c'est vous vrai. En faites sans le savoir. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est des questions que je commence à me poser comme je vieillis. Mais jusqu'à maintenant, ça m'intéressait pas. Ouais. Il y a un citoyen qui s'éveille en vous. Ouais. Alors que vous l'êtes certainement déjà à bien des égards en tant qu'artiste, déjà, en apportant votre pire, bien sûr, aux choses. Quand vous aviez des soucis avec certains textes de vos chansons, les politiques se sont un peu écharpés là-dessus. Certains ont dit oui, mais il faut le laisser dire, d'autres non. Notamment Ségolène Royal. Mais ça, c'est une des choses aussi qui m'ont fait comprendre que c'était très médiatique et que c'était n'importe quoi. Au début, c'était la droite qui me descendait. Après, quand Ségolène m'a descendu, les jeunes de l'UMP ont dit « Mais elle est très bien, cette chanson !» Et là, je me suis dit « Ouais, mais arrêtez !» Je m'étonne que t'as pas envie de voter après. Ouais, ça se comprend. Oui, mais on comprend bien un petit peu ce qui se passe en ce moment. En vous écoutant, c'est clair. Et puis, nos politiciens ont une forme de culture du clash. C'est quelque chose, ça vient du rap, ça aussi, le clash. Ça ressemble un peu, mais rien qu'en entendant les extraits là, ça me dégoûte en fait. J'aime pas le ton qu'ils emploient. J'aime pas ces personnes. Quoi. J'aime Alors, pas leur là, attitude en fait. Vous êtes un rappeur non clasheur. Ouais, des fois je me fais clasher et je réponds pas. C'est le summum du clash. Alors là, on est allé très très loin. On vous rappelle quand même que tout ça va se finir devant le tribunal. Enfin, donc la régionale en Île-de-France se termine devant le tribunal, ce qui est absolument pas glorieux. Mélanie Bauer, prenons un peu de distance avec tout ça. Oui. Et revenons au rap. Il y a notre invité Aurel San, dont le film est sorti mercredi et qu'on vous conseille. Il s'appelle Comment c'est loin. Alors, il y a peu, je discutais avec mon ami King Jules, le leader du crew Stupéflip, et il me disait fort à propos, au lendemain des attentats de Paris, qu'il revendiquait... Vous avez déjà perdu viseur avec la mort. Oui, je sais, mais c'est pas grave. King Jules de Stupéflip. Stupéflip. Stupéflip, vite. Très bien. Qu'il revendiquait son droit à être un bisounours et à rester un bisounours, un éternel ado qui pense tout fort que la guerre c'est mal, la pauvreté c'est moche et que le shit devrait être en vente libre pour que les gens soient plus gentils. Moi, c'est comme ça que je vois les rappeurs français, alors que début décembre, toute la presse s'excitait sur les sorties simultanées des poids lourds du rap, Booba, Rof, Jules et Nekfeu, avec des titres comme Le Clash, Le Choc des Titans. Moi, je visualisais tous ces ados tout mignons, le caleçon à peine couvert par le jean, s'émerveillant, découvrant leur disque préféré, celui d'une soi-disant brute sous le sapin de Noël. C'est difficile de se dire aujourd'hui que les rappeurs sont des gangsters. Le rap, c'est une vieille musique qui a déjà sa nostalgie, ses classes, si c'est old school, années 90, NTM, IAM et même Doc Gynéco. La battle, elle se fait à la plume et aux pectoraux. Le prix de la carte, ils ont foiré. Les loups boutent à la Ferrari. J'suis pas ton ref, y'a pas d'Harry. Pour la guerre, j'suis Roscoe, pour le shopping, j'suis Qatari. J'veux le flot de ta chatte, j'veux les fonds de Jacques Attali. Je les fonds de Jacques Attali. Par contre, il est au ralenti, là. Booba, 4G, moi ça me rend triste, ce petit bonhomme gigantesque qui nous montre sa génération torse nu avec des calaches. Il les appelle la génération assassin. Faut pas se voiler la face. Booba, il parle pour ses petits bisounours qui, par zizi, est un fusil, seul rempart à l'humiliation d'être au bas de l'échelle sociale. Il écrit bien Booba, même si on comprend pas tout ce qu'il dit. Il y a des codes pour déchiffrer le langage des rappeurs. Faut être bilingue, faut être trilingue et savoir enlever l'autotune hein, pour piger la beauté. Son rival, c'est Ruff, qui sortait le même jour que Booba, Ruff Game. En voilà encore un petit chou qui se sent seul. Il le chante d'ailleurs dans Ils nous connaissent pas. Je cite, c'est la musique qui parle plus fort que les médias. Ce qui est différent fait peur parce qu'ils nous connaissent pas. On donne la force aux gens bien. On fait danser les Bloodia. C'est diablo. La musique qui parle plus fort que les médias. Ce qui est différent fait peur parce qu'ils nous connaissent pas. On donne la force aux gens bien. Fait danser les Bloodia. Frère, reconnais, frère, je ne te reconnais pas. Ils nous connaissent pas, pas, pas, pas, pas. Ils nous connaissent pas, pas, pas, pas, pas. Ils nous connaissent pas, pas, pas, pas, pas. Ils nous connaissent pas, pas, pas, pas, pas. J'aime bien son flow. Bref, dans la série des poids lourds qui vendent entre 100 000 et 300 000, hein, c'est presque autant qu'Calogero et Souchon et Voulzy pour faire. Je connais ça. Ouais. Il y a Jules qui décrit avec talent, qui est décrit avec talent par la journaliste de Slate comme ça. Jules, c'est le style short, claquette, maillot de l'OM, assumé, un accent marseillais à couper au couteau, du rap de quartier autotuné, matinée de R&B et de ride, des textes simplistes. J'ajouterai des clips où des gars dansent comme des barbapapa en agitant leurs bras entre mecs, comme dans les booms où les meufs ont pas envie d'aller. Y'a que des fils d'un pute qui tournent dans le secteur. Patrouille ninja en TDM, la clique à l'inspecteur. Y'a ce qu'il faut dans la part, y'a de quoi leur faire peur. Y'a ce qu'il faut dans la part, y'a de quoi leur faire peur. T'es costaud, mais à quoi ça sert? Les enfants connaissent ça par cœur. Les enfants dans le studio, ils chantent les paroles. Il y a des enfants dans le studio. Ouais, allez, fils de pute. Bref. Mais la vidéo. Non, mais c'était dans la mais chanson. Vous êtes où, alors, on est pas sur Nova ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce 4 décembre, on notait aussi la réédition de Feu, le premier album de Nekfeu, plébiscité par France Inter, les lecteurs des Inrecuptibles. Le truc un peu plus classe, parce que ce petit chou-là, il lit des livres et il a pas peur de le dire. 1995, l'entourage, ces petits gars-là ont du talent. J'en ai vécu des freestyles avec eux toute seule face à une bande de mecs imberbes. Tout fier d'être enfin des hommes, qui me sortait en rime des histoires de fellation et de biatch. Il racontait les femmes, comme on parle des voitures. Puis ils me regardaient avec leurs grands yeux d'enfant en me disant « Merci madame de m'avoir laissé rapper à la radio, t'es pas trop choquée ?» Mais non mon petit, je sais bien que c'est comme ça le rap. Faut dire des cochonneries et des gros mots, sinon tu feras jamais aussi bien que les Américains. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Ouais. Nique les clones. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire, de la primaire au lycée déprimé. Je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient. Les Américains qui font plus fort que tout, hein. Ils font même encore plus fort que plus fort, puisqu'ils l'ont bien compris, eux, que les rappeurs, c'est des bisounours. La preuve, hier, sur les réseaux sociaux, on découvrait en souriant la First Lady, Michelle Obama, en train de rapper pour encourager les jeunes à aller à l'université, aux côtés du comédien Jay Faroa, à l'intérieur de la Maison Blanche. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow. And everyone could really make their dream true. Hey kid, listening in Michigan, that could be you. But a dream is just a dream unless you. Pas mal, Michelle Obama, hein. Ça pourrait pas se faire chez nous, on sait même pas qui c'est la première dame. On a eu Carla Bruni comme première dame. J'étais à mon flow. Bref, on terminera avec vous, Orelsan, et l'album des Casseurs Flotteurs, BO de votre film, Commencez Loin. Dans le film, vos meufs, elles sont un peu comme moi avec les rappeurs, elles les regardent avec tendresse, rappées sur les fesses, en se disant qu'ils sont choux et que la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est de les bercer en leur caressant le front et en leur disant que, mais oui, c'est des grands garçons. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mon père m'a souvent crié dessus. Mais quand il dit rien, c'est qu'il est vraiment déçu. Putain!

Vous résumez tellement bien. Mais c'est ça, j'essaie d'être concis. Le 22 décembre, mon anniversaire, on s'en fout un peu, mais pas totalement si on réfléchit bien. Voilà. Bon, c'est vrai quoi. Moi, je suis un platinien convaincu et j'y vois un signe, mes amis. Mais revenons au futil. Le 26 février prochain, on devrait donc élire un nouveau patron à la tête du foot mondial, avec ou pas le grand Michel. With or without Michael, si vous préférez comme ça. Toute la question est là. En revanche, pour ce qui est du tirage au sort de l'Euro 2016, qui aura lieu demain, pas de mich-mich, mes amis, pas de mich-mich. Et non, celui qui en 84 offrit le premier titre majeur au foot français, lors d'un Euro où il aura lui tout seul écrasé la concurrence en inscrivant 9 buts en 5 matchs, mes amis, juste ça, ce sera pas de la fête. Là aussi, j'y vois un signe des temps. Notre époque est celle de la précaution. C'est le principe qui dicte notre conduite. La précaution, on anticipe sur le malheur en l'intégrant à nos calculs. Et une fois que l'équation est posée, l'inconnu devient forcément, mes amis, forcément une menace. On se lave les mains à l'alcool à 90 degrés. On traverse la rue en regardant à droite puis à gauche, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. On ferme nos portes à double tour. On cesse de fumer. On boit modérément. On fait du sport. C'est bon pour le cœur. On mange bio. On écoute bio. On ne copule plus que virtuellement. Voilà. Bref, on ne prend plus le risque de mourir en ayant trop vécu et on est précautionneux au point de préparer sa retraite sur les coups de 17 ans, histoire de pas se retrouver en carafe à 65. Nous sommes de la génération du pire. Du coup, on s'est adapté et il en va de même avec le jugement. Le jugement, cette capacité qui est la nôtre à donner notre avis avant que la vérité ne donne le sien. La prudence est de mise, mais la prudence finit par être imprudente puisqu'elle nous amène à commettre des erreurs de jugement. Dans le cas qui nous intéresse, Platini a payé des impôts sur les sommes perçues. Il en détient la preuve et le document a été versé au dossier de la défense. Mais vous me direz, en principe de précaution, s'ajoute aussi la vindicte et une certaine presse aussi. C'est vrai que notamment dans l'affaire Benzema, je me répète, mais le fait qu'une juge d'instruction rende public un compte-rendu d'audience ne nous scandalise plus du tout. Nous voilà vaccinés, les fuites sont torrentielles et nous voilà noyés sous des tonnes de boue qui salissent le bon sens et l'honnêteté intellectuelle. Le pire, c'est que les institutions elles-mêmes, poussées précautionneusement par l'opinion publique, réagissent et prennent des mesures qui vont dans le sens du vent. Platini suspendu, Benzema suspendu, pour des motifs certes bien différents, mais suspendu par mesure de précaution. Si Platini n'est pas définitivement flingué à l'issue de son audition le 18 décembre, il aura très peu de jours pour faire campagne. Rappelons aussi qu'un document existe, Charline, qui fait état de l'embauche de Platini pour leur job, rémunéré donc à 1 million de francs suisses. Rappelons qu'il est pour l'instant tout à fait clean. Mais bon, comme disait ma grand-mère, elle disait, phrase que je n'ai toujours pas comprise, mais qui résonne aujourd'hui comme un appel à la raison et au bon sens. Libérez Platini, suspendez les suspensions et faisons l'amour tous sur un terrain de foot immense, comme le préconise Alex depuis toujours. Le tribun à la base. Samir Bouadi, merci. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Aurel San. Et avec vous, on va aborder le deuxième sujet. Le réveil citoyen passe par un intérêt accru pour les premiers secours. Alors nous aussi, nous sommes engagés. Donc on va vous proposer la leçon numéro 1. Ne nous remerciez pas, c'est une mission de service public. Vous m'entendez? Combien de doigts voyez-vous? Trois. Où sommes-nous? Chez moi. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, quelle est la capitale de la Syrie? Quoi? Quelle est la capitale de la Syrie? Je sais pas. Damas! C'est Damas! Quel est le leader des Rolling Stones? J'ai le vertige. C'est Mick Jagger! Arrête! Quel est le comique préféré de tous les Français? J'ai mal. C'est pas J'ai mal, c'est Jamel, gros nul! Oh, ferme ta gueule, connasse! Quelle est la plus grande planète du système solaire? Saturne? On ne souffle pas! On ne souffle pas! Si vous êtes intéressé, j'ai l'adresse pour la Croix-Rouge. Alors, c'est l'extrait d'un programme court de France 2 dont on n'a pas retrouvé le nom, qu'on a trouvé sur Internet. Oui, c'est dommage, c'était rigolo. Alors, visuellement, c'est encore plus drôle. Vanessa Hoop, c'est pas ça, mais c'est pas Vanessa. Non, c'est pas ça. Samantha, si c'était le cas. Samantha, pardon. Bon, bref. J'arrête de vous interrompre, je reviens. Non, Lucas, c'est un peu ce souci. Voilà, c'est un dossier dans le Parisien Magazine cette semaine. Ce réveil citoyen, voilà, il y a 40% de plus de demandes de formation à la Croix-Rouge. Est-ce que vous avez déjà suivi des cours de secourisme? Vous, Orelsan? Je crois pas. Non? Par exemple, non. Là, si je m'évanouis, vous pouvez rien faire. Je peux appeler quelqu'un qui s'y connaît. D'accord. On va essayer. Est-ce que vous seriez rassuré si c'était vous-même qui deviez vous sauver? Non. Peut-être. J'ai du recul. comme celui-là. Dans le film, vous sauvez Redouane Arjane. Ouais, c'est vrai. Ah, on se redonne à un moment. Bah ouais. Ouais. Ah, mais voyez, alors, bon, des jeunes gens en service civique pendant 8 mois qui dispensent des cours à la Croix-Rouge, c'est une façon finalement de réagir. Alors, le dossier du Parisien Magazine explique que connaître les gestes pour stopper une hémorragie, ça aurait permis de sauver des gens, par exemple au Bataclan. Et un habitant du quartier du Bataclan a témoigné, il avait chez lui un kit de premier secours pour aider les blessés, etc. Alors, ça paraît simple et élémentaire, mais faut y aller. Est-ce que ce serait pas une bonne idée que ce soit enseigné dans les écoles, par exemple? Bah ouais. Je sais pas si autour de cette table, quelqu'un a déjà suivi les cours. C'est plus utile que la techno, ça c'est sûr. Plus utile que savoir faire des porte-clés qui clignotent. Effectivement. Il y a deux options. On remarque aussi que pour s'engager dans l'armée, il y a de plus en plus d'inscriptions. Peut-être que la Croix-Rouge, c'est peut-être une solution plus sympathique, non? Je sais pas. Non, mais ce que... Autour de cette table, personne n'a fait du secourisme. Si, si, non, mais après, si je m'évanouis, après, là, tout le monde n'est pas doué pour ça. Moi, je vois une goutte de sang, je suis malade. Hein, donc, ouais. Il y a eu tout un moment où Adriana Carambeu était l'image évidemment. Du secourisme. Là, ça vous intéresse. Ça a leur vie. Aurel San a un avis là-dessus, évidemment, j'imagine. Non, c'est pas trop ma cam. Le secourisme. Bon, alors, écoutez, c'est bon. Mais c'est vrai, pourquoi pas à l'école? Vous avez raison, pourquoi mais pas? Mais voilà, bien sûr. Bien sûr. Allez, sinon un petit shoot de Thomas VDB et c'est reparti. Ça, hein. Ça vaut mieux qu'une ligne de coke. Je crois qu'on peut y aller. Maintenant c'est l'actualisique. C'est un mélange d'actualité et de musique. C'est le vendredi, donc si tu écoutes j'annule tout. Mais la semaine prochaine ce sera mercredi. Vous devez trouver que je rappe très très bien. Même si ça ne rime pas avec tous les mots. Je rappe un petit peu comme le prince de Bel-Air. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter. La musique s'est arrêtée avant la fin, c'était excellent. C'était très très beau. C'est parce que vous n'avez pas répété Thomas VDB. Mais c'est si, là que ça répété, pêche. Je répétais pendant que vous parliez de secourisme. Alors bonjour à tous nos auditeurs évidemment, ça je ne pourrais pas commencer sans dire bonjour. Et évidemment je voudrais saluer Aurel San et puis je voudrais le féliciter. Parce que évidemment, même si comme chacun sait, on en parle tout à l'heure, vous êtes rappeur donc musicien. Et j'ai cherché partout sur internet et depuis le 13 novembre, même si vous êtes musicien, j'ai bien précisé, eh bien vous n'avez pas repris Imagine de John Lennon. Ah, là, là. Et pour ça, Aurel San, je voulais vous dire chapeau. Parce que le pire, je sais la jouer au piano. En plus, mais vous avez réussi à vous tenir. Parce que c'est une chanson qu'on a quand même beaucoup entendue ces derniers temps. Il y a eu un homme qui est venu devant le Bataclan avec son piano et il a joué Imagine de John Lennon. Ensuite, il y a les youtubeurs français. Vous savez, il y a Cyprien, Norman et tous les autres. Ils ont fait une vidéo en hommage aux victimes des attentats et ensemble, eh bien, ils ont chanté Imagine de John Lennon. Ah, ouais. Et hier, grande émotion, Place de la République, où Madonna, la reine de la pop qu'on adore, a entonné Imagine de John Lennon. Alors je pense que même John Lennon, il doit se retourner dans sa tombe et dire, oh, les gars, c'est sympa, mais il y a d'autres morceaux aussi, vous savez, c'est important qu'ils sont bien. Alors c'est vrai que les attentats, en plus, ont visé notre bon droit à être en terrasse, à écouter de la musique, à faire la fête. Je pense que ça aurait été peut-être aussi logique, peut-être que Madonna monte sur scène à répu pour chanter Allez, viens, bro, il y a le blond, il y a le rouge, ce son. Mais non, elle a chanté ou Imagine. Ou l'apérobique des Charlots. Ou l'apérobique, voilà, du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Alors en tout cas, il y en a une qui doit se frotter les mains pour les droits d'auteur en ce moment, c'est Yoko Ono, évidemment. Hein, c'est à se demander si Yoko Ono, à chaque fois qu'il y a un attentat, elle ne fait pas « Yes !» Alors, je vais pouvoir refaire ma toiture. Hein, seulement. Alors c'est vrai, en tout cas, que quelle qu'elle soit, eh bien, en cas de circonstances tragiques, Imagine, c'est une chanson qui soulage. C'est une chanson qui a une portée immédiate et universelle, à l'inverse d'autres chansons qui sont plus dures à réutiliser, même en cas d'événement tragique. Hein, tu te mets à la place du gars Aznavour qui a écrit « Pour toi, Arménie », ça doit être compliqué d'amortir la chanson une deuxième fois. Il faudrait qu'il y ait un deuxième tremblement de terre en Arménie. Hein, ou peut-être ça marcherait au niveau des rimes si c'était en Bolivie. Hein, « Pour toi, Bolivie ». Voilà, je sais pas, peut-être pour toi, Sarkozy, ou ça marche aussi pour toi, Sarkozy. Voilà, en tout cas, on voit aujourd'hui que la personnalité pacifiste de John Lennon, eh bien, elle est plus que jamais d'actualité. Vous vous souvenez sûrement qu'en 1969, pour protester contre la guerre du Vietnam, John Lennon, il était allé à Amsterdam avec Yoko Ono, justement, et ils avaient choisi d'ailleurs d'aller à Amsterdam, parce que je crois qu'ils étaient assez fans d'une substance qui est assez facile à se procurer dans la rue d'Amsterdam. Non, c'était le Gouda. Et justement, à Amsterdam, pour protester contre la guerre, ils étaient restés en ensemble dans un lit pendant 2 semaines entières. Hein, on sait que rester au lit, ça aide à protester contre la guerre. D'ailleurs, personnellement, tous les jours, je suis contre la guerre jusqu'à environ midi. Eh bien, cette semaine, en tout cas, on fêtait les 75 ans de la naissance de John Lennon. Et à cette occasion, à New York, il y a eu un grand concert en hommage au 75e anniversaire de John Lennon, dans lequel on retrouvait tout un tas de groupes. Il y avait The Roots, il y avait les Killers, il y avait le meilleur groupe du monde, Spoon, pour moi. Tandis que le stand de merchandising, bien évidemment, était tenu par Yoko Ono. Alors, ils ont donc fait un concert pour fêter le 75e anniversaire de John Lennon. Ça, j'ai remarqué que les concerts hommages, c'est un truc qui marche très bien. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, si l'année dernière, vous avez raté le grand concert hommage du 74e anniversaire de John Lennon, et cette année, celui des 75, ne ratez pas l'année prochaine le grand concert hommage pour les 13 ans de la mort de George Harrison, et surtout le 17 avril prochain, le grand concert qui va célébrer les 42 ans de la première crémaillère de Paul McCartney. Hein, on rappelle à tous qu'il avait acheté un beau T2 dans le centre de Londres. Alors, je pense qu'entendre pour entonner Imagine it's a beautiful crémaillère. Voilà. Elle est intéressante, cette chanson. Merci, Thomas VDB. Merci. On est avec Orelsan jusqu'à 18h. Et voici le troisième sujet. C'est Star Wars J-5 pour l'épisode 7. Alors, si vous n'étiez pas au courant, vous ne devez pas savoir non plus que François Hollande est président. D'ailleurs, ça veut dire que vous écoutez probablement pas cette émission, donc c'est très con ce que je viens de dire. Alors, mieux vaut apprécier la guerre des étoiles, parce qu'on va en bouffer la semaine prochaine. Allez plutôt voir le film d'Orelsan, tiens. Démonstration de ce qui vous attend. Salut les gars. Salut Penny, et bonne journée Star Wars. Ok. Je t'offre un petit déj, le snack bar de l'amiral Akbar est pleinement opérationnel. Non merci, j'accompagne Léonard à l'enterrement. T'es sûr que tu veux pas un café? On a un excellent R2DK. Peut-être un excellent café au lait. Hein. Et si tu n'aimes pas le café, je te propose un chai thé 3PO. Oh, je vois, chai thé pour ces 3PO. La vache, ils m'ont contaminé. Star Wars J-5. Alors, c'est un extrait de Big Bang Theory, qui est une série télé américaine. Quel est votre rapport à Star Wars, Orelsan? Est-ce que vous avez regardé la trilogie, bien. Ouais, c'est vrai. J'ai vu la sixtilogie, je sais pas comment on dit. Ouais, j'aime beaucoup Star Wars. Je suis assez pressé, je pense qu'il va être bien le film. Ah oui, vous faites partie de ceux qui iront très très vite le voir. À part que j'ai pas pris de place, mais sinon, ouais, je vais y aller. Dès qu'il y a une disponibilité, je vais y aller. Je vais peut-être même me lever. À quel âge vous avez découvert Star Wars et vous êtes arrivé? Depuis que je suis tout petit, je crois. Ah oui? Ouais, depuis, je me rappelle, je regardais. Les épisodes, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Et quelle lecture vous en faites, vous? Alors, est-ce que vous en faites une lecture un peu politique? Vous faites des liens avec la mythologie, la religion, ou simplement vous appréciez le film? Non, après, ça dans toutes les grandes sagas comme ça, tu peux faire des liens avec tout, même dans Le Seigneur des Anneaux ou quoi. Ouais. Mais non, moi, j'apprécie quand même la mythologie du truc, quoi. Autour de cette table? Alors moi pas du tout, je passais complètement à côté, je crois. Et alors justement j'allais... Ah c'est étonnant. Ouais. Non mais moi je préfère les... J'aime pas trop la science-fiction. Et votre film ici, on en parlait tout à l'heure, peut-être va créer un fossé entre les jeunes qui vont adorer et les vieux qui vont peut-être pas comprendre le pourquoi. Enfin les vieux, les parents. Mm-hmm. Est-ce que vous avez connu ça avec Star Wars à l'époque? Quand vous avez aimé ça, votre père qui dit mais pourquoi? Non, ça te plaît? Non, moi je regardais avec mon père, il adorait. Ouais, d'accord. Ouais, et c'est vrai que les fois où j'allais au cinéma, c'est même lui qui m'emmenait. Il me disait viens on va voir Star Wars et tout, il y a des vaisseaux, il y a des sabres laser. Parce qu'il n'y a pas des masses d'actions de science-fiction dans votre film. Il y a eu un moment une vitre qui casse. Ouais, c'est il y a un seul effet spécial, voilà. Et c'est pour incruster un truc sur un panneau. Ben voilà, c'est un début. Je sais pas, Thomas VDB, Mélanie Boer. Ah ben moi j'avais les albums Panini de Le Retour du Jedi. Donc j'ai acheté les autocollants pour avoir. J'avais pas les moyens d'aller au bout de l'album Panini parce que j'avais pas assez d'argent de poche, mais j'avais. J'avais même les bonhommes, les figurines qui maintenant valent une fortune et que j'ai jeté du haut de la falaise du Tréport avec un sac plastique sous les bras. Ça vient moi. Non, mais moi j'aimais beaucoup. J'aime pas les préquels, j'aimais les premiers. Voilà, le premier est formidable. Ah, mais oui, tout ce qui est préquel derrière, je comprends rien. Les préquels. Oui, parce que c'est ça le souci, hein, c'est qu'on est retourné en arrière, on revient en avant, etc. Donc on est un petit peu perdu sur l'ordre de l'histoire, mais ça reste un bon moment quoi qu'il arrive. On a envie de le voir, hein, faut pas se voiler la face. Hein. Voilà, on a envie de le voir, mais si vous n'avez pas vu, commencez loin. D'Orelsan, et si jamais les cinémas sont complets, allez voir mon film. Bim. Et lui, on peut écouter ses chansons dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de prequel, de forequel. C'est du Frédéric Fromet à tous les étages. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quel est le thème du jour? Vous m'inquiétez toujours un peu à ce moment-là. Non. À propos des élections, au JT de France 2, Il y a donc quelqu'un qui a dit, c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Bah heureusement qu'il écrit pas des chansons. Je suis salade, complètement salade. Je suis aussi un peu rhubarbe, et j'aurais pu dire aussi sel. Rire et moulade, je suis salade, parfaitement salade. J'avais déjà traité les juges de petits pois. Je connais aussi le mot avocat. De toute façon, à la télé, Monsieur Pujadas, c'est que des salades ou des navets. C'est une chanson sur les réseaux saladistes. J'aurais pu dire aussi que je suis dans les choux, que j'aime beaucoup l'oseille, que j'ai le melon, mais c'est pas vos oignons. Au fait, que devient Edith Cresson? Tout est salade, complètement salade. Mais il y a plus, je suis toujours aussi rhubarbe, mais il y a plus de variété dans les salades. Je suis Batavia, complètement Batavia. Ne cherchez pas la petite blette, je connais bien la rue de la Roquette. Toutes ces salades, c'est pas mesclin, c'est ma contribution à la COP21. Scarole, scarole, scarole, scarole, scarole, scarole, scarole, scarole, scarole. J'en connais un qui mériterait le panier à salade. C'est pas parce que vous renversez la table que vous descendez de la voiture. Je viens vous chanter la salade, la salade des gens nerveux. Je viens vous chanter la salade, la rhubarbe, on comprend pas mieux. Merci. Bravo. Frédéric Fromet. Merci. On peut dire qu'on a eu droit au champ lexical des légumes. Là, on en a eu pour des semaines. Hein. Et c'est en référence à la phrase de Nicolas Sarkozy, Aurel. Ça, vous qui êtes trop dans la promo, vous n'avez peut-être pas suivi cette phrase. Non, comme j'ai fait phrase. Des émissions, je l'ai entendu parler. Ah oui, c'est effectivement. C'est la phrase politique de la semaine. Hein, en ces temps quand même tendus, avec des enjeux, la rhubarbe a été quand même le mot-clé de la semaine. C'est formidable. Aurel San, merci d'avoir passé cette heure avec nous. On merci était ravis beaucoup, de vous avoir. C'était très fun. Et puis, donc vous, dimanche, vous allez voter, hein, comme plein de gens, évidemment. Et puis la semaine prochaine, si vous n'avez pas encore vu Comment c'est loin, le film d'Aurel San et Gringe, les casseurs flotteurs. On a dit Gringe. Hein, on a dit Gringe. C'est parce que je suis à l'américaine. Ouais. Comment c'est loin, c'est beau, mais c'est loin. So far away. Et puis l'album aussi, la BO de Comment c'est loin, qu'on vous conseille. Et puis on vous retrouve aussi avec votre binôme dans Bloqué, avec Gringe, dans le petit journal sur Canal+, à 20h10 du lundi. Lundi au vendredi. Donc, on est à faire un petit peu de promo. Alex Vizorek, vous serez au studio des Champs-Élysées. Le dimanche et le lundi. Dimanche et lundi. On vous conseille par exemple ce week-end aussi La vie est un jeu. C'est samedi 19h20 parce qu'il y a Virginie Despentes qu'on aime beaucoup. Donc, on y sera. Et puis, on va laisser le mot de la fin. Ah, tiens, lundi, Félix Moati. Comme ça, je vous dis tout. Oui. Et le mot de la fin, on le laisse à Claude Bartolone qui a clashé Valoche Pécresse. C'est parti. Excusez-moi, la douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va sans dire.